je suis très, très tolérant côté Noël. T'sais, pour moi, Nicole Martin, là, c'est too much, là. Ah, c'est too much? Non, non, c'est bon. Okay. C'est bon, Nicole ça Martin, fait, j'en, ouais, j'en ouais. redemande, là. Mais on peut-tu isoler ce bout là? Oh, isoler n'importe quoi, Nicole là, Martin, regarde. J'en redemande, s'il vous plaît. Ben oui, c'est ça. T'as pas moi dessus, de toute façon, on n'a plus le droit de rien dire à la radio. Là, tu parles des BS, t'as trois plaintes officielles. Non, tu dis BS, trois, quatre, trois, quatre plaintes. Déjà, arrête de dire ça. Non, non, mais tu sais, on peut plus rien dire, c'est de toute façon, au Québec, à la radio. De redevance sociale. Fait que là, j'ai dit que je voulais plus passer l'Halloween avec mes kids, j'ai déjà deux plaintes. J'ai dit que Nicole Martin était bonne, j'ai une plainte. Et, bon, on peut se ridiculiser nous-mêmes, ça, on a encore le droit. On a-tu le droit? Ben, je pense que oui. Mais moi, j'ai le goût de me faire une plainte, là. J'ai le goût de me faire une plainte. Tu sais, le gars. C'est vrai, ça, Laurent? C'est vrai. Qu'est-ce qui est vrai, là? Voyons, on arrêtez dit que... de parler dans mon dos. On je vois le verre. Vous allez pas l'élever. On dit que Rod Stewart, cette semaine, a fait une sortie à avouer, je sais pas comment le dire, là, oui. avouer avoir pris de la cocaïne par voie anale. OK. Dans le pèteux. Il s'est popé. Fait que White Christmas, d'après moi, on n'est pas sûr. C'est White Christmas jusqu'aux toilettes. C'est ça. White Christmas, dans le fond, la petite ligne était pas bien alignée, là. Wake up, Fat Nation. Wake up. Hein? Encouragez, merci ma gang. Merci les gros de m'encourager. Wake up, Fat Nation. Là, je viens de dire merci les gros. Ça passe pas, ça. Ah, c'est bon. Tu viens de te ridiculiser, par exemple. Une plainte. Envoie-toi une plainte. À moi-même. Le pire, envoie-toi une plainte au conseil de presse. Tu vas être blâmé. Ça, tu le rôles l'oreille, hein? Le pire, c'est qu'il pourrait tomber dans le panneau. Ouais, ça, le pire, c'est qu'il pourrait tomber dans le panneau.